Ouais, ouais. T'as internet ici, la wifi, non? Ouais, mais c'est un code. Ouais, t'as pas le code? Non, enfin, il faut prendre le code de la box. Ah merde. Bon, voilà. C'est parti, le live. Allez, dans ça. Ça, ça se connecte, hein. Le parking est ouvert. Oh, Kawa. Bon, ça va? Ouais. Bien, là. T'as qu'à pas pleuvoir, normalement. J'ai toujours tes matinales, là. Non, non, j'ai arrêté, là, je reprends la radio. Ah oui, d'accord. Non, je reprends la radio, donc. Non, je l'ai fait cette semaine. Bon, on attend les gens, hein. À 3h on se connecte. Alors on est connecté, mais... Ah, il y a déjà du monde, hein. C'est bien. Aujourd'hui, hein, pas de pluie, c'est le programme. C'est bon, il est presque 15h, on se connecte. C'est parti. On va démarrer le live. Et on retourne tout à l'heure aux platines. Allez, pas vous robotiser un peu ma voix. Ça va, vous m'entendez bien sur le parking? Nickel. Ça va, on est bien? C'est parti. Allez, on direct sur Facebook, ta radio fait déjà du bruit. Ça, ça me rappelle les souvenirs et l'énergie. Ouais. Thank you. va les gens? Ça va? Il est 3h. Il y a Anto qui sera en platine. Il y aura nos zimmers aussi normalement. Normalement. C'est parti. 3h pile, on connecte. Il est 3h, on est en direct sur Facebook, il y a déjà du monde. Ça fait plaisir, on est à Chargy, il y a le parking qui est ouvert, on vous entend aussi. Allez, c'est votre tournée. We'll be right back. passe là-bas. On bronze. Jusqu'à 17h30. D'ailleurs, on vient de se connecter. Il y a du people. Oh yeah. Salut la famille. On est en direct. Le parking vient nous rejoindre. Il y aura en tout à l'heure au platine. Il y aura nos emails avant nous. Et puis voilà, on va se marrer quoi. Jusqu'à 5h30. Ça me rappelle trop le Cap d'Agde, ça. Ça me rappelle trop le Cap d'Agde. Salut les Azars, on est en direct. On est en direct aujourd'hui. Il y a Anto qui est là. T'es poids lourd. Allez. 1h30, 2h de mix non-stop en direct du parking du 7. Salut les motards, ça va les tarbots. La radio fait du à la sécurité, c'est Adam. À l'ancienne, comme DJ, présentez tout le monde. Au bar, c'est Anto. C'est Mika au bar. À l'époque, les DJ présentaient tout le monde. Hein. Allez, déconnectez, il y a que du monde là. Thank you. un festival. C'est un festival en loose day. Un truc qu'on a fait en loose day. Tout le monde est prévenu, la mairie, la gendarmerie, tout le monde est prévenu. Téléphone maison. Thank you. direct sur Facebook, il y a beaucoup de monde là qui est connecté. Il y a PL qui arrive au platine dans 5 minutes. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le parking dans les voitures, on est au 7 à Changy. Salut les Zinzins. Salut Séverine, salut François, salut Delphine. Salut Steph. Il y a 41 qui est là. En direct. Sur Facebook et dans 5 minutes, il y a PLK et vos platines. Ça va les Zinzins, je vais vous faire un petit coucou après. Et puis je vais vous payer un petit verre de sans alcool, de coquin. Ça vous va? Allez, go! Ça, ça va pas trop les soldats radio en direct. Qui arrive. Alors, tout le monde joue ce qu'il veut, hein. C'est au pas de mix, hein. Et là, on va vous payer un petit coup, tiens, hein. Un coup de coca. J'arrive, les Zinzins. 5 minutes CPL. Préparez-vous. Ça va, les Zinzins. En direct, là, sur Facebook. We'll be right back. Yeah. Ça fait zézir, c'est mon homme. On va saluer, j'arrive. Allez, on est en direct CPL au platine sur Facebook là. Il y a tous les lives qui sont branchés. Restez connectés, venez nous rejoindre en direct d'Orléans. Salut les gars, ça va? Allez, bonne la bidouze. En direct 17, on est encore là, hein. On est vivants. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. Awful sight. Bang, bang. My Brady shot me. Sur Facebook, là, salut les connectés, welcome la famille, il y a du monde. C'est sur le parking du 7 déjà, ça arrive. Salut Dom, ça fait plaisir de te voir. T'as eu ton coca, Dom, c'est bon? Et là, voilà, installez-vous tranquille, mettez-vous à l'aise. On est mieux qu'en boîte. Asseyez-vous là, il y a des chaises noires. Vous les mettez à un mètre. Oh là, c'est léger, ça y est, vous séparez d'un mètre, c'est bon. Si vous les déchets, servez-vous. Vous les espacez juste d'un mètre entre vous, un mètre ou deux, ok. Et servez-vous, c'est au coin de chaise. Coca-Cola, et ça fait plaisir de voir les clients habitués qui sont là. Ah oui, je t'ai dit, j'ai l'air d'être. On a rien entendu, ils sont les gens qui font un maximum de bruit pour Francky. Ouais, allez, mon pote Dom qui est venu me voir. Allez, c'est le film. Allez, vas-y, vas-y, prends avec ton téléphone. Allez, vas-y. En direct sur Facebook jusqu'à 17h30. Et oui, merci à Francky qui a fait pendant le confinement cette semaine de mix matinale. Là, il va reprendre la radio. Merci également à tous nos amis DJ. Une pensée à Jean Rock. Monsieur Jean Rock et son club. On est solidaires, on est tous là pour la musique. Faites du bruit! On va faire une putain de photo, tout le monde lève les bras en l'air pour la photo. Tout le monde lève les mains en l'air, levez les mains en l'air pour la photo. Avec les verres aussi, c'est parti la photo. 1, 2, 3, cheese. On est à Orléans. C'est le dernier qui nous reste de la boîte. J'en ai qu'un. C'était pour l'anniversaire. Tu l'attrapes? Putain, on peut gagner des cadeaux en direct. Allez, petit cadeau du 7. Et garde-le bien celui-là. We'll be right back. On est en direct de cette discothèque. Et c'est extraordinaire avec Piel au platine. Tu t'es cru en discothèque? Merci le 7. Comme il y a du monde de connecter sur Facebook là, voilà, salut la nuit. Je voulais faire ce petit live pour représenter la nuit. Merci à vous d'avoir fait le déplacement jusqu'à 17h30 ici sur le parking 17 en direct. Le Zimmer qui va arriver au platine dans 15 minutes à peine. Et puis la petite photo, voilà, les zinzins. Oh, la mascotte. Let's go crazy, I'm crazy. Allez, venez faire du break nous jusqu'à 5h30. On vous attend, on est en direct. C'est tombé. We'll be right back. Salut à ceux qui vont d'arriver là. Salut la famille des Zaza, ça va? Viens à nos platines, on arrive. Ça va les Zaza? Tout le monde est prêt à faire du bruit? Jusqu'à 17h30 en direct du 7 sur le parking. We'll be right back. Est-ce que tout le monde est là? Passez son ouais. Pas eu son coca. On y va? On y va pour faire du bruit. Salut Antoine. Alors je vous rappelle qu'on est en même temps direct sur Facebook hein. Chauffer le lait parce qu'on est aussi en direct sur Facebook là, donc je fais un petit peu de com et puis ensuite nos zimmers qui arrivent aux platines. En tout cas merci à vous d'être venus hein, jusqu'à 17h30, on est en live ici à Orléans, on est au 7 sur le parking en direct, ça fait déjà du bruit. Are you ready? On fait du bruit, on est à Orléans, on fait du bordel aujourd'hui, on est à Chargy. Et je fais un petit coucou aussi à vous qui êtes arrivés sur le parking Orléans. Ça va couper là, attention on va faire du bruit pour Facebook. Vous êtes prêts? Attendez, on y va. Faites du bruit le Chargy, le parking du 7. Faites du bruit le parking du 7. On se rend en boîte. Merde. On se rend en boîte. Ah, il y a les gendarmes qui viennent de passer. Je salue mes amis gendarmes. On a eu les autorisations. Hein. Faites du bruit Orléans. We'll be right back. pistes de la région. Si vous êtes du côté d'Orléans, vous vous arrêtez, on est à Chargy, on est à cette discothèque. On est en direct, il y a déjà le public qui est là. Il est excité là. C'est bon là, hein. Si vous vous promenez sur le parking, on est là en direct. Et merci à vous, hein. Jusqu'à 17h30 le live. Sauvez la nuit. Je dis en direct. Yeah. Une bouteille ou pas? Je fais tomber une bouteille ou pas? Right now, I am the DJ! I am the DJ! Et bizarre! For the next 5 minutes, ça rappelle trop le Cap d'Agde, ça est bizarre! Venez faire du bruit le public du 7, là on est en direct! Ça m'énerve! Que ces gens qui font la gueule! It's here on just a minute! If you wanna put your feet back on the ground! Alerte coronavirus. Alerte coronavirus. Alerte coronavirus. Alerte coronavirus. Alerte coronavirus. Alerte coronavirus. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. Comme si vous étiez à Ibiza, tout le monde saute. Allez, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Je rêve du cost et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle. Merci à Pilon, faites du bruit pour lui qui doit partir. On vit dans quel... Faites du bruit pour Pilon. Salut Pilon. On va se revoir. Bah oui. Eh, faites du bruit, je vais inverser la mère de Fleury qui est connectée, la Marignès flinguée. Eh, faites du bruit pour elle en direct sur Facebook, Marignès. Et il y a le député aussi qui est connecté. Monsieur Ramos, je le salue au passage. Richard, il y a le Factory qui est connecté, fais du bruit pour le Factory aussi. Oui, ça m'énerve. que les VIP. Devant le parking du 7, c'est la folie. T'as tous les gens qui lèvent les bras. Ça m'énerve. Piel, merci ma poule. Amazon, une blondasse au téléphone me dit. Je peux vous aider? J'ai plus PQ vous livrer. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris lui derrière. J'ai dit Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé ma fond dans l'estère. Il m'a dit, elle vous trompe sur toi. Nous sommes en guerre. Est-ce que vous êtes prêts aux humeurs qui arrivent dans 3 minutes? J'ai dit tout le monde. Allez, je vais remercier nos amis gendarmes qui viennent de passer. Salut la famille. Grande famille, la gendarmerie. L'ancien barman du Georges de l'abbaye du 007, le vrai, c'est vrai, c'est le vrai barman à l'époque. Pour ceux qui sont vieux, c'était en 75 ça, hein, Adobe. C'était le vrai barman du 007 à l'époque. Il a morflé le barman. Hein. Sur Facebook là, hein. Ah la vache. Vous pouvez venir sur Facebook là, hein, si vous êtes dans les parages, dans la bagnole. On est bien là, hein, la nouvelle terrasse, elle est pas mal. Hein. 3 minutes, c'est nos humeurs. Favoris qui sont dans les bagnoles là-haut. Ça va la famille? Il n'y a pas la bouteille de Grégouze là, hein, désolé les gars. Ce sera pour bientôt. Nos humeurs en platine. We'll be right back. Thank you. Conmigo, me vendo la vida contigo, seré tu marido. Salut sur Facebook, salut des gens vite fait là. Il y a Steve qui est là, il y a Soso qui est là. Alex qui est là, il y a Arnaud du Cap d'Ag qui nous regarde. Salut mon pote. Salut le Cap d'Ag. Puis salut à vous qui êtes là, on est installé en direct sur le parking du 7. Welcome la famille. Salut Nono. Cap d'Ag qui nous regarde, faites du bruit pour le Cap d'Ag là. C'est beau là-haut, c'est super beau, 40 degrés. Ah, il y a la petite Julie qui est arrivée là. Ça va Juju? Ese sufrimiento que te hace llorar, a mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete a ver, si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me vas, yo también te doy. Ah, faites du bruit pour Juju là, la barman, le vestiaire qui est derrière du set. Ça va Juju? Ça fait 2 mois qu'elle a pas vu le set la pauvre. Ça va moi Juju? Fait le déplacement hein. Allez jusqu'à 5h30 en direct du 17, ça va les grégouzes. Il y a mon pote Antoine aussi, je veux le saluer, merci mon ami Antoine d'être venu, puis vous aussi de côté de la radio, pas de la boîte plutôt. Et GG le taxi qui est là, la navette. Ça va mon GG. ça nous manque le 7, hein. Julie la barman qui est là aussi, Monsieur Mère le DJ qui est là aussi. Il y a des DJ qui sont venus nous voir en direct aujourd'hui du 7. Faire ça pour défendre la nuit aussi, faut pas qu'on nous oublie, les discothèques sur toute la France et dans le milieu de la nuit, tous les DJ qui sont au chômage aujourd'hui, je salue très fort. Ça va les zinzins? Allez, jusqu'à 17 à France, le live Facebook en direct sur le parking 17. Yeah. passa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Leva. Bon, bon, on est bien là, je vais reprendre le mix dans 10 minutes, tiens, avant qu'il y ait le Zimmer. Faites du bruit pour le Zimmer. Ça va, dame? On est bien là, hein? Allez, je vais faire une petite demi-heure d'house, techno et électro pour stimuler la ville de Changi. Le service dès qu'on va revenir. Dès que monsieur Macron nous donne l'autorisation, on sera là. Ça va les zazas? Si vous êtes dans les... on est connecté, il y a du monde sur Facebook encore. Si vous êtes dans les parages, on est à Changi. Jusqu'à 17h30, c'est le live Facebook et nos Zimmer est au platine. Yo me me cansé de tu mentira. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca por carajo, mi cuerpo no te necesita. Aunque pida un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un fil y dejo una red disparita. Oh, Dios sabe que en ti una vez más yo confié. Ah ouais, je voulais remercier aussi nos amis gendarmes qui sont passés. Non mais sérieux, je peux les remercier aussi. Sympa les mecs, j'ai discuté un peu avec eux, super sympa. Comme quoi, il y a des bons hein. Ça va les enfants? Allez, on va accélérer dans 5 minutes, j'arrive. On va faire du son un peu à l'ancienne et puis on va se bouger. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Salut mes habitués là-haut que je vois au fond, les habitués du set. Promis, dès qu'on revient, je vous mets une putain de table, hein, les gars. Ah ouais, je vous mets la table qui va bas, hein. La big table Grégouze. Hein. Son de 3 en 3. Si tú quieres preguntar si no me crees. Yo no tengo 3. A completar la fila son las 3. Te llamo al mundo. Ah, puis un DJ là qui est venu nous voir aussi. Tiens, viens. T'as un masque? Est-ce que t'as un masque? Mets un masque, viens nous voir. Mets un masque et viens dans le VIP. C'est un DJ, ouais. Je sais pas d'où il sort, mais c'est un DJ. Viens. Non, sérieux, il. C'est pas ce qu'obligatoire chez nous là. C'est plus des costards obligatoires les boîtes, maintenant ça va être masque obligatoire. Nos humeurs en platine. Salut Stéphanie! Allez, on va envoyer du lourd là! Se me corta la plus pendant Zimmer. Vous verrez à l'ouverture du set. Ça va? À une bonne demi-heure ensemble et en bronze, on est bien, ils avaient lancé de la pub, c'est mort. Va voir un coup en bascule, Zimmer, hein. C'est le serre-bar. Julie aussi, hein, barman. Merci d'être venus tous hein, pendant une demi-heure ensemble encore, ça va, ça vous a plu? Samedi prochain on met ça? Ok. Alors, samedi prochain il y aura DJ Bubu qui sera là aussi, peut-être nos Zimmer s'il veut. Un DJ parisien viendra aussi faire la fête avec nous. Et puis un DJ du web qui est là aussi, je veux le saluer, salut mon ami. En direct du set, on est à Orléans, sur le live du Facebook, il y a du monde. Merci mon ami Antoine, ça va mon Toto? Allez, foutez-moi le feu pour le final! Sur Facebook encore, faites du bruit les zazas. 25 minutes ensemble. Il y a mon pote Arnaud du Cap d'Agde qui est là. Salut Nuno. Salut Florence. Les salut au passage. Salut Edouard. Salut Tony. Il y a la petite barman qui est là. Juju. Il y a Antoine qui est là. Il y a vous sur le parking aussi ce soir là jusqu'à 5h15. Et après nos cyber il finira. Il achèvera les gens. La ville de Traîneau qui est venue aussi. Ah la vache. Ça claque hein. Traîneau. C'est lourd. C'est marrant parce que Facebook nous ont toujours pas coupé. Hein. Bizarre. Hein. On est à Ibiza. Miss Ça c'est pour les filles. Ça c'est pour les filles. Merci, hein. Ça va, ça vous a plu? Zimmer, tu veux nous faire une petite série avant de partir? Allez, viens nous faire plaisir. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Et on voulait faire ça aussi pour soutenir la nuit. On dire bravo à tous ceux qui nous soutiennent, surtout vous aussi. Tous les lives Facebook, c'est grâce à vous. En tout cas, on voulait vous remercier vraiment du fond du cœur, les amis. Zimmer qui va prendre un peu les platines là en 15 minutes. Et après, on va se quitter, ça va être l'heure. Voilà. Moi, je vais vous retrouver samedi prochain. Il y aura un nouveau DJ samedi prochain, c'est Bubu qui sera en platine. Eh ouais. Je sais pas ce qu'il y a, pourquoi il y a plus un bonnet qui marche là. Tu l'as mis où la clé banquine? Bonjour aux gens. Il y a des poubelles en bas, si vous voulez. Ça va? Coucou! Allez! Coucou! Coucou! Et Gérard aussi qui était là. Coucou! Voilà! Ça va les gens? Merci à vous! Trénou! La ville de Trénou! Bon, les photos, c'est des lives. Attends, je vais voir les. On va voir nos habitués là, qui sont là. Ah, on toutes les magnums là, les Grégouzes, mais. Ah, y a pas de Grégouzes, les gars. Là-haut. Ça va, les gars? Allez, ça se passe bien? Ouais, tranquille. Allez. Ouais, ils sont là, hein. On a un peu de Jack dans le coffre quand même. Il a le bon genre de dôme en fait. Ouais, il va bien. Bah, il va bien. Ah, c'est cool. Tu veux un petit Jack? Non, c'est bon, là, c'est je vais bon. Prendre la route. Ah, on va dire au revoir aussi aux gens là qui sont venus nous voir. Il y a du monde aujourd'hui sur le parking, c'est ça qui fait plaisir. Allez, un petit coucou en live Facebook, je vais couper. Salut. Voilà, on est venu. Salut les amis. Fait plaisir de voir les gens. Ciao, merci. Et à bientôt. Ah ouais. Merci. Ouais, très vite. Salut les enfants. Bah on se quitte, hein. Je vous embrasse très fort. Merci à vous pour le live Facebook. C'était énorme. Bravo. Putain, c'est rare, Facebook, ils nous ont même pas coupé. Ouais, grave. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Ils sont, eux, ils font un moment comme ils veulent, en fait. Hein. Ils sont malades. Non, mais c'est bizarre quand même. Bon, allez.